nyimaranwe bidire ogbonu nene mudariye magurugi ongrea boye mutembe popozo boni urumu gidrika era liyele yokuri boye mamia ukeke mweti uraro nari tono awu I'm going to go to the house. C'est qu'il est belle et la craven. C'est qu'il est belle et la craven. C'est qu'il est belle et la craven. C'est que yo, moi, c'est que yo, c'est que yo, à tout point. moi je gagne au cru. Je gagne au cru. Moi je gagne au cru. Je gagne au cru. Moi je gagne au cru. Je gagne au cru.